Du. Ok. Scribe. Ok. Yeah. Je t'apporte la vision d'un putain de rappeur MC branché. Laisse brancher tes putains d'enceintes si tu veux faire cracher le son du 7-1 de malade. C'est peu scrit malade. En pleine forme olympique, je suis en mode MC de gala comme Bala. Mehdi, le rap c'est pas un sprint mais une course de fond. C'est pas tes trois petits tubes qui font que t'es un poids lourd du rap, c'est franc. Et si le rap dérange autant en France, c'est parce que le rap c'est franc. Yeah. Putain de blanc bec, je m'éclate sur mon intro. Il vaut mieux ça que s'éclater le zen à la coco. C'est pas pour moi de façon, je dirais plutôt pour les pecnos. Je leur laisse ça aux tuffers et aux fans à techno, yeah. Pour être au top dans la zig, j'ai dû bosser comme un ouf. Des jours et des nuits blanches, je fus des heures de taf. En discret dans ma broche la nuitée, je passais mes nerfs et mes peines sur un bout de papier, ok. J'ai trop la dalle quand je prends le mic. Trop de la balle, ça fait mal quand je prends le mic, yeah. Et nique le rap game, moi je ne joue pas sale mongol. C'est juste du rap français, c'est pas du scrabble. Ça se fait la course à la crédibilité, à savoir qui fait le plus vrai au yeux des gamins de quartier. Moi je m'en tape, je suis crédible pour les gens qui me connaissent. Et toi qui parles sur moi, on se connaît. Non, mets-moi des bâtons dans les roues, ça me fera des rayons de plus en solo. Je fais mon chemin à vélo plutôt qu'en bus, yeah. J'espère que tu captes bien la métaphore. Je suis tout seul, j'ai confiance en personne, je suis tout seul, yeah. Je m'en bats les couilles des formations, je m'en tape de vos crews. Je dois rien à personne, vu que personne me fait qu'écro. Ok gros, tu croyais quoi que j'avais faire du son de pédale. Mon pote, je me préserve, j'en ai encore sous la pédale. J'ai trop la dalle, ok, la rime est facile. Tu me vois dans ton rétro sur la route du rap, tu décales, ok je décolle. L'étiquette du rappeur chialeuse collée sur le front, mon pote je la décolle. J'ai dit ciao à l'école et l'école m'a dit ciao. Hasta la vista, me gustas tu comme Manu ciao. Ciao, faut que je me casse parce que les hommes sont trop bêtes. Moi j'ai trop le mal de terre, j'aimerais tant changer de planète, yeah. Les gens sont des faux culs et stressés. En plus, les hommes sont mon qu'à faire cocu. Quand douce les femmes jouent les sates ni touches mais ne font pas mieux. En vrai je fais des manières mais j'avoue que moi-même j'ai pas fait mieux. Monde d'infidélité, la trahison est notre plus grande qualité. Mais les gens se perdent et se font du mal dans la finalité. La vie m'a balafré et les blessures ne se referment pas. La mort de ma mère m'a touché et m'a mis terre pas. Mais je suis toujours debout parce que j'ai su me relever. Et si j'ai filé droit, c'est parce qu'il a su bien m'élever. Il, c'est mon grand frère, c'est ma plus grande fierté. C'est mon ami et mes parents. Et pour lui, je pourrais crever. Niquer un pote, ça jamais. Trahir un pote, que dalle. Mais l'amitié, c'est comme l'amour. Ça commence bien, ça finit mal. Certains m'ont rabaissé et baisé comme jamais tu l'as été. Ça se disait proche, mais jamais ça m'a aidé. Mais jamais ça m'a soutenu dans les moments difficiles. Si comme moi t'as un pote qui a retourné son string difficile, yeah. J'ai trop la rage comme ce beat, c'est fluide quand je kick. Trop la classe quand je les débite. J'ai trop les crocs et trop la dalle comme un bonhomme qui sort de tôle. Je veux monter haut parce que je pars de que dalle. Je suis marqué à vie par la musique et ma musique est marquée par ma vie. Et dans tout ça, bah je suis marqué par la vie. Écoute mes sons, yeah. Et tu verras que ça sent la tristesse. Ça transpire la sincérité d'un mec blessé. Et je suis très loin des clichés du rap français. J'ai choisi un autre chemin, le tout plein de merde. J'ai pu me passer, j'ai pas volé, pas dealé, de la cesser, pas tiré, pas fumé, pas fait de séjour en maison d'arrêt. Baptisé, pactisé avec le diable, jamais. Je préfère traîner avec les anges que les démons de mon mic tout là-haut. Je fais un signe à mon public, je te parle à toi qui m'écoutait, qui kiffe ma musique. C'est pour les blancs, les blacks et les arabes, les feuges, les chinois, les gitans du centre-ville à la campagne, c'est pour tout le monde, yeah. Du moment que tu te sens concerné, touché par les paroles, moi c'est les cœurs que je viens viser, c'est les rimes que je viscère. Si tu le veux un jour à Bercy, et si t'as pris le temps de m'écouter, merci.